Yeah. Ooh, ooh, ooh. Yeah, yeah. Je sais que tu vas t'en aller. Si je ne fais pas d'efforts, je reconnais j'ai eu tort. Yeah. Ouais. Je t'ai fait du mal. Je suis désolé. C'est ma faute, je pensais qu'à moi. Tu restes un homme spécial pour moi. Si tu dis que tu ne m'aimes pas, je suis d'ailleurs, on reparle, on répare la faille. En tout cas, je veux pas que tu t'en ailles. On dit les choses, mais ne me parle pas de pause. J'ai pas su gérer la dose. Désolé, je suis in love. Je t'ai fait du mal. Je t'ai fait du mal. Je suis désolé. Je reconnais, j'ai eu tort. Yeah, yeah. Je sais.